Les exploits accomplis par le général Kim Jong-il pour l'édification du parti sont loués à l'étranger. Le président du comité exécutif national d'Ouganda du mouvement panafricain, le président du conseil central du parti politique de la République populaire unifiée Kirghiziel du Kirghizistan, le secrétaire international du parti communiste uruguayen et le membre du comité central du parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar et secrétaire du comité régional de Yangon, on dit que le Parti Travail de Corée manifeste sans réserve sa puissance en tant que guide et état-major de la révolution grâce aux exploits du camarade Kim Jong-il et que ses exploits pour l'édification du parti brilleront à jamais.